rappeurs lyrics illicites. Je cite nos vies et je t'invite à regarder à gauche, ensuite à droite. Dis-moi qu'est-ce que tu vois, est-ce que la vie ça va? Mais sur mon passé pas beaucoup de sagesse. Encore un jeune agité et maladresse qui cherche un trou juste pour percer. Ma vie trop monotone, Inch'Allah le succès. Que je fasse plaisir et que je redonne du souffle à toute ma famille et aux gens qui souffrent. Le temps avance, la misère s'annonce. La terre tourne comme une vis, je m'enfonce dans la mer. C'est dur de s'en sortir, on essaye de fuir, mais les choses s'empirent, on attire la merde à chaque coin de rue. Trop d'impas sur cette longue avenue qui représente mon destin prédestiné. Pour que j'ai trouvé une issue avant de me faire assassiner. Je suis jeune mais si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. Je suis jeune mais si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. La France nous complique toutes nos démarches. Quoi qu'on fasse pour avancer, elle nous enlève des marches. Parce qu'on avance tout en reculant, à ce que nos efforts deviennent vite saoulants. Ils nous font péter les plombs à chaque moment. Un jeune immigré égale encore un autre délinquant. À 13 ans, j'y arrivais, droit des Balkans. Bosnie musulman, je représente mon camp. Après la troisième, je visais une seconde générale. Impossible d'y accéder, je me suis fait recal. Il me reste qu'une chance, et c'est le rap. Je vais réaliser ces rêves avant que la mort m'attrape. Laisser de l'argent à ma famille, c'est ce que je veux. Après, je serai prêt à mourir, prêt à rencontrer Dieu. Car j'ai pas peur, je sais ce qui m'attend. J'ai eu ces rêves, maintenant je suis là et j'attends. Je suis jeune mais si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. Je suis jeune mais si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. Je suis en guerre contre SP avec une feuille et un stylo. Mon arme c'est ma voix, je mitraille avec mon flow. Contre le gouvernement, je prépare l'assaut. D'ici ces cas, ce son vous mettra KO. Je veux faire prendre le Chirac avec cette chanson. Toi qui m'écoute, monte le son et fous le bourson. Si t'es en caisse, mets les warnings à puceau, le klaxon. Écris, je nique ce pays, chante ma chanson. Rien à foutre des lois et des taxes qu'ils imposent. Faire la révolte, c'est ce que je propose. Vous voyez pas comment ils nous exposent. Comme le veulent Trade Center, faut qu'ils explosent. Tous ces politiciens sont des mafieux qui vivront bien jusqu'au jugement devant Dieu. Mais ce n'est que de passage, ces pays c'est le lieu. Ceux qui feront le preuve de notre vie vivront mieux. Je suis jeune et si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. Je suis jeune mais si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. Je suis jeune mais si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. Je suis jeune mais si perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Immigré toi-même tu sais comment ils sont. Je suis jeune, jeune, perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent. Ouais c'est comme ça qu'ils sont. Je suis jeune, jeune, perdu, toujours si jeune. Trop de malheur vécu, têtu, agressif et insolent.